1. Aujourd'hui, faire du sport est une habitude pour beaucoup de gens. Les salles de sport sont de plus en plus nombreuses car les gens ont plus de temps pour leurs loisirs. 2. Ah, je regrette mon époque. Aujourd'hui, faire carrière, ça n'existe presque plus. Les gens changent très souvent de travail. 3. J'adore utiliser les transports en commun. Quel progrès pour notre société! On ne marche plus pendant des heures pour aller au travail comme autrefois, et on peut faire plus de choses. 4. Aujourd'hui, on est dans une ville, mais on grandit dans une autre. On travaille dans plusieurs villes et on ne sait pas où on mourra. Tout le contraire d'autrefois.